Cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue à une toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 FM qui veut changer le monde, un statut Facebook à la fois. En compagnie de moi-même, Sébastien Gartin, et de Lucas Hubert avec son poil de chest. C'est moi! Salut Lucas! Salut! Salut! Hey, aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. On fera pas de tour de table. Non. À la place, aujourd'hui, on a une émission spéciale, si vous avez regardé sur notre page Facebook, parce qu'on trouve que c'est important de parler de corruption et de malversation avec tout ce qui sort cette semaine. Donc, entre autres, quand tout ce qui sort cette semaine, c'est depuis plus qu'une semaine, en fait, c'est les fameux Panama Papers. Ah oui, c'est magique, ça. Je crois que la rédaction de mon mémoire en a vraiment pris une claque avec tout ça. Là. J'ai lu à peu près tout ce qui s'est fait. Ben, c'est quand même vraiment énorme ce qui se passe avec ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à lire parce que, bon, en fait, Panama Papers, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, c'est une source anonyme, on n'a aucune idée c'est qui a donné à un journal allemand les données d'un groupe financier au Panama qui fait de l'évasion fiscale, des schémas fiscaux plus ou moins légaux, qui font des sociétés qui aident les gens à faire des sociétés écrans pour réussir à se cacher de la loi, tout ça. Et ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire, c'est principalement le fait que, écoute, ce que la source anonyme a donné au journal allemand, c'est 2,5 téraoctets de données. Ça, c'est 11,5 millions de fichiers que le journal avait analysé. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir des journaux puis des journalistes de partout à travers le monde. Au total, c'est 109 journaux qui ont travaillé pendant un an de temps sur les Panama Papers pour réussir à vraiment enquêter, aller voir plus loin que les données brutes, à faire des enquêtes, à relier A à B, tout ça. Parce que faut comprendre ces stratagèmes-là. Souvent, ce que ça implique, c'est entre autres de cacher. Dans le fond, c'est que les gens font pas juste faire une société offshore, c'est qu'ils font une société offshore qui dépend d'une autre société offshore à un autre endroit qui, ainsi de suite, pour essayer d'être le plus intraçable possible. Donc, c'est énormément de travail de partir de ça pour le ramener à quelqu'un de connu. Là. Absolument. Et bon, c'est ça, il y a plus que 300 journalistes qui ont travaillé là-dessus pendant un an, de partout à travers le monde. Ici au Canada, on a les gens d'enquête à Radio-Canada. On risque d'avoir des choses très intéressantes qui vont sortir éventuellement. C'est pas le journal de Montréal? Ben non, je sais pas pourquoi. Je suis surpris. Moi aussi. Sinon, il y a dans les médias privés, il y a le Toronto Star aussi qui a été approché. Là, ce qui est intéressant de se dire, c'est que probablement que les journaux qui ont été approchés avant, les journalistes allemands ont vérifié si ces gens-là n'utilisaient pas eux-mêmes de trucs fiscaux. Donc, on peut dire qu'il y a au moins ces deux-là qu'on est sûr qu'ils vont bien s'en sortir dans la masse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas tous sorti les infos d'un coup, comme ce que fait Wikileaks habituellement. Ils tombent sur des grosses affaires, puis ils mettent toutes les données, puis ils font pas d'analyse, puis là, tous les journalistes sont obligés de travailler là-dessus. Ce qui fait qu'on entend parler pendant une semaine, puis le temps qu'on analyse, puis qu'on sache un peu ce qui s'est passé avec ça, le sujet est déjà passé date. Malheureusement, c'est ce que ça fait. Mais eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sortent au compte-gouttes les noms des chefs d'État, des personnalités plus ou moins connues. Fait qu'au lieu de faire un gros scandale de quoi on va parler pendant à peu près une semaine, c'est que ça va mettre la pression sur les gouvernements. Ce qui fait que là, à tous les jours, à peu près, on a des nouveaux noms qui sortent, ça fait scandale, on entend parler, ce qui fait que les gouvernements ont de la misère à ignorer ça. Et ça leur fait une pression pour éventuellement peut-être faire des lois, enfin, pour mieux encadrer ces choses-là. Je vais continuer en parlant un peu de ce qui s'est... c'est quoi qui s'est passé à date dans ce qu'ils ont sorti. On apprend, premièrement, le nom qui a été le plus taché jusqu'à maintenant, c'est Vladimir Poutine. D'ailleurs, c'est qui a dit, qui a titré à propos de ça, Vladimir Poutine et sa patate chaude? Oui, je sais plus. Ça, mais je me demande si c'est pas le journal de Montréal. C'est leur genre. C'est effectivement très drôle. La patate chaude de Vladimir Poutine. La patate chaude de Poutine, effectivement. Lui, en fait, c'est qu'ils ont trouvé que à peu près tout le monde dans son entourage était mêlé à des schémas fiscaux. Lui, il l'était pas directement, mais ils ont quand même poussé l'enquête. C'est un de ceux sur lesquels ils ont le plus enquêté. On peut voir sur Internet là, des images avec des toiles, de genre à quel point ça tourne alentour de lui d'une manière telle que c'est carrément impossible qu'ils ne soient pas là-dedans. Puis dans le fond, c'est carrément c'est de l'argent du gouvernement qui est placé dans des paradis fiscaux pour que les particuliers, de certains particuliers se graissent la patte là-dedans. Donc, Vladimir Poutine est fortement touché. Savoir à quel point ils en ont parlé dans les médias russes, par contre, ça, c'est une autre question. Fait ouais, que savoir est-ce que ça va vraiment ternir... Sa carrure politique en Russie. C'est sûr qu'à l'extérieur, oui, mais malheureusement, en Russie, du coup. Ouais. Mais là encore, il faut toujours faire attention parce que ça, c'est nous autres, on se base sur nos médias occidentaux qui font tout pour le salir à la base. Là, fait que, effectivement. Faire effectivement. Attention avec ça toujours. Là. Mais quand même, tu sais, je suis deux médias russes sur Facebook francophones, puis ils n'en ont pas dit un mot jusqu'à maintenant. Donc, c'est déjà ça. Sinon, il y a l'Islande. Ça a été un peu tout le contraire en Islande. Il y a d'ailleurs le vidéo qui traîne sur YouTube du président islandais qui est avec des journalistes quand l'histoire est sortie. Les journalistes, tout de suite, ils ont commencé à y poser des questions. Puis on voit le vidéo, il bégaye, il sait pas quoi dire, il essaye de s'en sortir, il menace de s'en aller, il se lève, il s'en va dans le cadre de porte, il revient, il regarde les journalistes, il essaye de les convaincre, les journalistes montent les papiers, il bégaye, il s'en va. C'est vraiment de toute beauté. On peut s'imaginer avec un certain plaisir jouissif certains de nos politiciens qu'on soupçonne d'être corrompus dans une situation comme ça. Là, c'est totalement jouissif. Puis ça fait particulièrement dur quand on sait que ben, en Islande, v'là déjà plusieurs années, quand il y a eu la crise financière, ils ont entre autres nationalisé les banques, ils ont mis en prison les banquiers qui avaient été responsables de la crise financière, ils ont refait une nouvelle constitution au pays, ils ont refait des élections, puis ça a été ce premier ministre-là qui a été élu, qui était le premier ministre de la démocratie et du peuple qui peut reprendre qui est censé se battre contre la corruption. Mais d'ailleurs, les Islandais ne sont pas laissés faire. Hein. Eux autres, aussitôt que c'est sorti, là, ils ont passé toute la nuit, c'est la plus grosse manifestation de l'histoire de l'Islande, ils ont entouré le Parlement puis ils ont tiré des œufs et du fromage sur le Parlement. Ça, c'est ce qui est très pour les œufs et du fromage. Le lendemain, tout le monde disait que l'Assemblée nationale, parce qu'eux autres, ils ont une grosse séparation entre l'exécutif et le législatif, que tout le monde disait que, bon, le législatif allait foutre le président à la porte. Lui, il savait aussi, fait qu'il a essayé d'empêcher ça, puis il a dit qu'il allait dissoudre carrément l'Assemblée, comme ça, elle pourrait pas se réunir, puis il pourrait pas le foutre à la porte. Et, chose qui arrive presque jamais en démocratie, le président de l'Assemblée a dit non. Là encore un moment jouissif. Ouais, ça arrive. Les présidents d'assemblée habituellement n'ont pas tellement de pouvoir à part de dire décorum, s'il vous plaît, on n'est pas des enfants. Droit de parole. Ouais, c'est ça. Appeler la police quand ça commence à se tapocher ou qu'il y a des gens qui garagent des grenades lacrymogènes. Ouais, fait qu'un président d'assemblée là, qui dit non. Un président, c'est quand même quelque chose de vraiment cool. Sinon, ensuite, il y a... mais finalement, bref, l'Assemblée l'ont foutu dehors, puis ils vont retomber en élection pour l'exécutif. Sinon, il y a aussi le Royaume-Uni qui était assez éclaboussé. Dans le fond, David Cameron, le président du Royaume-Uni... Premier ministre. Je m'excuse. on a appris que son père utilisait ces choses-là. En fait, on a même découvert que son père avait jamais payé une cent de taxe de sa vie. Puis son père était un multimillionnaire, là. OK. Et là, l'affaire, c'est que le père de David Cameron est mort en 2010. Ce qui est, bon, c'est pas drôle en soi, mais c'est drôle dans le contexte. Parce que présentement, ben, on n'a aucune idée. OK, ces millions de dollars-là, ils sont où? Fait que là, il y en a qui se demandent, est-ce que c'est la mère de David Cameron qui gère ça? Est-ce que c'est David Cameron lui-même qui est rendu avec ça? Et là, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'en 2012, David Cameron avait fait la promesse qu'il rendrait public tous ses relevés de taxes et d'impôts. Et il l'a jamais fait. Là, soudainement, les médias sont comme « Ah, ben, hey, finalement, on est toujours intéressé à les voir, hein, cette tante-là, nous envoyer. » Puis, étrangement, il veut pas. On ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, ils ont ressorti aussi le fait que c'est David Cameron qui a mis son veto au Parlement européen à toutes les fois qu'il y avait des projets de loi qui parlaient de transparence fiscale. Là, soudainement, ça devient louche de penser à ça. Ça l'était déjà, mais ça l'est encore plus présentement. Et, ben, bon... David Cameron s'est quand même défendu. Hein? Il est allé dire ben c'est ma vie privée. Oh, mais quel argument de scrap. Quand t'es le premier ministre d'une puissance mondiale, ta vie privée, on s'en balance. Sérieusement. Surtout pour des questions comme ça. Mais as-tu vu la réaction d'Edward Snowden à ça? Non. Edward Snowden a dit oh, un gouvernement qui se préoccupe soudainement de la vie privée, c'est drôle, ça. Edward Snowden a toujours le mot pour eux. Là, on se rappelle, c'est celui qui était à la base des le leak, la CIA, je pense. Edward Snowden, ouais, c'est ben la NSA. Ouais. Exact. Les services secrets intérieurs américains, dans le fond. Là. Exact, sur la vie privée des gens. Sinon, il y a la France aussi. La France s'en sort quand même bien. C'est un des pays où c'est qu'il y a le plus de gens qui sont fait pogner, mais où est-ce qu'il y a le moins de gens connus qui sont fait pogner. En fait, il y a beaucoup de gens connus, mais c'est principalement des personnalités sportives, donc des joueurs de foot. Bon. Puis nous autres, on s'en fout de cette pensée de l'Atlantique. Pour eux autres, c'est des scandales, mais j'en ai un peu rien à foutre. Il y a aussi Gérard Depardieu, qu'on s'en doute, mais lui, il est en Russie, anyway, fait qu'on ne le saura pas. Ouais, il va être backé. sinon, il y a aussi un membre du cabinet de Hollande, mais l'enquête a l'air de dire que ça serait vraiment particulier à lui, que ça c'est pas entourant le gouvernement, bon. Mais il y a aussi le Front National qui a été pas mal touché. Et ça, c'est drôle! Mais c'est quand même drôle, un parti politique comme super nationaliste, pro-protectionniste, puis tu sais, qui pense justement contre les maux du trait. Mais qui veut pas payer ses taxes. Ben, exactement. Puis il y a le père de Marine Le Pen qui a été touché à ça, le majordome des Le Pen. En fait, le président du parti. En gros, à peu près tout le monde qui est le moindrement important dans le Front National, à part Marine. Ce qui est quand même drôle. Exact. Puis, bon, la défense, le Front National sur le site Internet ont fait une certaine défense qui se résume en gros à « c'est pas de notre faute, c'est de la faute de la mondialisation de nous offrir des opportunités comme ça. » Voilà. Ouais, ouais. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Vous auriez pu vous en empêcher aussi. Ouais. Sinon, un gros scandale, il y a aussi Jackie Chan. Quoi? Oui, Jackie Chan. Mais Jackie Chan, c'est pas connu, mais à part le fait qu'il est bien aimé et bien sympathique dans ses petites comédies, c'est lui qui détient 80% des cinémas en Chine, puis c'est pas mal un proche du Parti communiste, puis ben voilà, il a été éclaboussé par ça. C'est plate, ça. Ça détruit un peu mon enfance. Ouais, vraiment. Merci. Sérieusement, je pense que je vis un deuil, là, présentement. Ouais, ouais. Mais sinon, au Canada, il y a pas grand. On sait qu'il y a à peu près une centaine de noms, ils ont pas vraiment sorti encore. On sait qu'il y a une avocate de Québec, pas connue. Du Québec, excuse-moi, mm-hmm. mais qui n'est pas une personnalité connue. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'éclabousser personne, pas de big shot. Mais peut-être est-ce que ça va venir. Ça va peut-être venir, effectivement. Il y a Justin Trudeau qui se défend en disant que bon, il y a un accord Canada-Panama qui fait que le Panama est censé donner certaines informations et aider le Canada à poursuivre ça. Ce qui fait que, selon Justin Trudeau, ça serait une des raisons pour lesquelles il n'y aurait pas beaucoup de Canadiens. Une chose qui est drôle, en fait, c'est qu'on a fait un espèce de gros accord qui permet qu'il y ait des gens qui envoient des trucs au Panama, en fait, qui facilite le... Effectivement, tout à l'heure. Mais je veux juste terminer en disant la défense de la compagnie, ça a été quoi? En fait, la compagnie s'est défendue en disant que, ben, une compagnie de voitures n'est pas responsable des accidents de voitures, fait qu'elle avoue pas pourquoi elle serait responsable de l'évasion fiscale. C'est à quoi on répondrait qu'avec tous les recours collectifs qu'il y a contre les compagnies de voitures et les rappels de masse qu'il y a contre les voitures, oui, les compagnies de voitures sont assez redevables de ce qui se passe sur les routes. S'ils font du mauvais stock, s'ils offrent du mauvais stock, ils sont responsables de ça. Ensuite, ils ont déposé plainte, puis ils ont ouvert une enquête parce qu'ils ont dit qu'ils ont été victimes de piratage, les pauvres petits. Ils ont dit que, en fait, l'évasion fiscale, les pays qui veulent éviter ça, ils ont juste à être compétitifs maudits. Fait que c'est pas de leur faute. Ça, on va revenir là-dessus. Ce qui rappelle un peu Adrien Pouliot qui a dit cette semaine. On va revenir là-dessus. Ouais. Ben, je peux juste le citer. Ah, vas-y. Il dit « S'il existe des paradis fiscaux, c'est qu'il existe aussi des enfers fiscaux. » Ce à quoi j'aimerais très courtement répondre que, ben, écoute, peut-être que pour eux, ils aiment beaucoup se toucher en pensant au libre marché, qu'ils aiment se masturber en sentant les caresses de la main invisible, se promener sur eux, mais qu'il existe une affaire qui s'appelle la réalité, puis dans la réalité, les lois d'un pays sont plus importantes que le libre marché, puis que, ben, il faudrait peut-être prendre ça en compte, les tipites. Voilà. Donc sur ça, on va partir en chanson. On vous a même choisi une chanson thème. C'est qui, la chanson qui va avec le thème d'aujourd'hui, c'est Les Corrompus de mon oncle Serge. Être honnête, c'est licher les bottes de ceux qui font les règles. C'est pour mieux nous écraser qu'on nous demande d'être intègres. Celui qui marche drette n'est rien d'autre qu'un mouton fier d'être tondu. Ah oui, je lui préfère de loin ceux qui sont corrompus. Devant le juge et le gendarme, l'homme honnête prend son trou. Il commet très bien des méfaits, mais il est bien trop pissou. Bien qu'il veuille nous faire passer sa faiblesse porte la vertu, ce n'est que de peur de se faire pogner qu'il n'est pas corrompu. Mais le corrompu, lui, ne craint pas les épouvantails. Il dissimule, il rule, il se faufile entre les mailles. Au milieu d'esclaves à l'œil éteint et à l'âme craintive, C'est un monument dressé à la volonté de vivre. Et il fait laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. L'argent dans les poches et la loi dans le cul. L'homme intègre se branle et pleure dans sa masure. Le corrompu invite ses maîtresses sur la côte d'Azur. Les nuits du premier sont peuplées de hontes et de cauchemars. Celles du second de top modèle, de champagne et de caviar. Mais comme sous toutes les latitudes, les médiocres se vautrent dans la haine de ceux qui s'élèvent au-dessus des autres. Partout le corrompu est la cible de l'envie des gens honnêtes qui l'accablent de poursuites et de commissions d'enquête. Mais les jaloux auront beau mettre tous les bâtons de la terre dans les roues des corrompus, ceux-ci n'en auront que faire. Quand l'un d'eux tombe au combat, dix autres se lèvent armés de pots de vin et de prêtres, non, pour prendre la relève. Et ils font laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Plus fort que les procès, les traqués, les battus. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Salut à toi, le que c'était mon oncle Serge avec Le Corrompu qui va avec notre émission spéciale sur la corruption et les malversations. Pour rester toujours dans le thème, t'avais quelque chose à dire? Non. Non? OK. Je pensais que tu commençais une phrase. Parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur quand même. Puis d'ailleurs, on va, parlant de choses qui nous tiennent à cœur, on va aller tout de suite dévoiler notre champion de la semaine. You are the best, but you say you don't know. You got the touch, now come on. Oui, alors le champion de la semaine, on le fait depuis nos débuts. Le champion de la semaine, c'est quelqu'un qui s'est, c'est quelqu'un au Québec qui s'est distingué par sa présence dans les médias, qui a vraiment été illustre, qui a montré là une bonne pensée critique et bref, je pense pas que vous allez être vraiment surpris de notre choix de la semaine. Ouais. C'est Sam Ahmad, évidemment. Le ministre de Québec, puis de je sais plus quelle autre affaire, là, genre le transport. C'était le trésor. Le trésor à Star. Ouais, il change le tout le temps. Il reste toujours le ministre de Québec, par contre. Puis bon, Sam Ahmad, on l'aime bien parce que c'est dans la gang de libéraux, ça reste un. C'est un qui démontre que c'est pas tous les réfugiés syriens qui font peur, en tout cas pour les gens de droite. Par contre, il y a certaines choses qui font peur avec Sam Ahmad, puis entre autres le fait que. Il y a des courriels qui ont filtré la semaine dernière à propos à l'émission Enquête de Radio-Canada. À l'émission Enquête de Radio-Canada, les mêmes d'ailleurs qui ont travaillé sur les Panama Papers. C'est ça. C'était des courriels de gens relativement haut placés, très haut placés dans une compagnie de la Côte-Nord. Ça, la firme Roche. La firme Roche, mais c'était il y avait une autre compagnie aussi, en fait. Ben, c'est tout à l'entour de Marc-Yvan Côté. Oui, c'est ça, en gros. Là. Mais il y avait aussi une autre compagnie qui fait affaire avec Roche. Puis, en très, très gros, ce qui arrive, c'est qu'à deux reprises dans les dernières années, il y a eu une correspondance de courriel dans laquelle on voyait très bien que ces personnes-là parlaient du fait qu'ils faisaient pousser leur projet, entre autres pour recevoir de l'aide financière de la part d'Investissement Québec, puis que leur manière de pousser le projet un peu, c'était d'achaler le ministre Ahmad, dans le fond, et entre autres de participer à des cocktails de, de financement dans sa circonscription, alors que les autres ne sont pas du tout dans sa circonscription. Puis bon, on voit dans l'échange, il l'appelle, à un moment donné, il cesse de le nommer parce qu'il se rend bien compte que c'est pas safe. Il l'appelle notre ami à la place, des choses comme ça. Puis bon, ça, quand ça a éclaté au grand jour, son réflexe a été de se pousser en Floride. Évidemment. Évidemment. Évidemment. Ça aurait pu être pire, hein? Il aurait pu choisir d'aller au Panama au même moment. Ben oui, ça aurait été drôle, vraiment hein? beau. Donc, c'est en gros pour ça. Puis bon, sa maman, depuis ses débuts en politique, bon, on le sait, c'est un enfant de réfugié syrien, en fait, je pense que oui. Lui, puis bon, le français n'est pas sa langue maternelle, n'en demeure pas moins qu'il donne des bonnes, il y a des très bonnes citations. Il y a entre autres un article, Olivier Niquet de La Soirée est encore jeune, que lui fait sa carrière sur les mauvaises citations de nos personnalités publiques. Il y a entre autres dans sa chronique dans le journal Métro, il a fait les 10 meilleures citations de sa maman à travers sa carrière pour bien ne pas le comprendre. D'ailleurs, c'est ça le titre, c'est 10 citations pour moins comprendre sa maman par Olivier Niquet. Puis bon, on les dira pas toutes, mais par exemple, ça, il est ministre du Trésor présentement. Comme Olivier Niquet le dit, il y a pas rien que des difficultés en français, il y a aussi des difficultés en mathématiques. Puis sa maman aurait dit à un moment donné, au mois d'avril, le Québec a créé 11 700 emplois, dont 38 000 à temps plein, et il y a eu perte d'emplois à temps partiel. Oh. Donc, 11 700, c'est moins que 38 000. Évidemment. Les 27 000 autres sont où? Évidemment. Ça n'est une de ces belles. En passant, je veux juste te corriger, il n'est plus ministre du Trésor. Hein? Il n'est plus ministre du Trésor. Lundi, ils ont fait une conférence pour dire qu'il était comme en congé de maladie à cause des déclarations d'enquête. Et là, ce matin, ils ont annoncé qu'il allait renoncer à son salaire de ministre, à sa limousine, à son chauffeur, à tous ses avantages, qu'il allait être un simple député jusqu'à ce que le commissaire se penche sur la question. Bon. Puis ça, évidemment, le commissaire à l'éthique, ça, c'est une position qui, sur papier, a l'air très belle, mais on le sait, ça a été créé à une époque où ce que Jean Charest faisait tout pour pas qu'il y ait une commission d'enquête sur la corruption, justement. Puis depuis qu'il est en place, ben en fait, il a distribué plusieurs blâmes verbaux. Là, il a dit telle personne aurait pas dû faire ça ou quoi que ce soit. Mais il n'a jamais eu de punition. Il a toujours dit que c'était des erreurs de bonne foi, fait qu'il n'a jamais eu de punition alors qu'il a le pouvoir d'avoir des punitions. Fait que sa maman doit pas trop être inquiet. Non, effectivement. De ça, justement, il y avait le très bon texte de Boisvert, je crois, dans la presse, qui disait qu'il faudrait peut-être réformer ça un peu, parce qu'il y a des tapes ses lois, il faudrait que ça en donne un peu plus que ça. Oui, puis d'ailleurs, il disait une des choses, c'est que le commissaire à l'éthique, il a juste un pouvoir de recommandation, c'est-à-dire qu'il peut recommander des... dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recommander à l'Assemblée nationale de faire une sanction à une personne, puis l'Assemblée nationale doit voter en fonction de ça. Aux deux tiers. On s'entend que si le commissaire à l'éthique dit il y a un problème avec cette personne, il devrait y avoir cette punition, l'Assemblée nationale ne va pas voter contre ça parce que là, c'est un petit peu cautionner la corruption, évidemment. En fait. Évidemment. Mais sinon, les taux semblent se renserrer de plus en plus autour de Jean Charest. Hein? De plus en plus, les gens qu'il côtoie semblent tomber les uns après les autres. D'ailleurs, cette semaine, Jean Charest, il donnait sa conférence à McGill, puis il a ouvert en disant qu'il accordait encore toute sa confiance à Nathalie Normandeau, tu sais, qui est présentement quand même arrêtée. On l'a vu là, à sa conférence, il n'a même pas été capable de la donner. D'ailleurs, il donnait une conférence sur comment rétablir la confiance entre les classes politiques et la population, ce qui est vraiment très drôle. Mais de plus en plus, ça va de plus en plus. C'est vraiment très drôle quand tu t'es fait gazer, quand tu as reçu des gaz lacrymogènes sous ses ordres. True story, bro. Oui, non, effectivement, mais ça serait ça. Ça va pas bien pour les libéraux. Hein, non, de manière là-dessus. Générale, Philippe Couillard doit vraiment mal dormir ces jours-ci. D'ailleurs, il y avait un très bon texte de Paul Journet qui disait que, bon, avec l'affaire Samamad, Philippe Couillard qui n'arrête pas de dire que l'époque Jean Charest, la corruption, tout ça, c'est derrière eux. Avec Samamad, il y avait une chance, enfin, de démontrer qu'il était bien le bon père de famille qui disait, puis qu'il allait foutre dehors les intrus, mais au contraire, on a vu qu'il a été assez sympatoche avec lui. Puis ce qui est arrivé, ben en fait, ce que Paul Journet dit, c'est qu'on a vu Philippe Couillard qui avait le choix, là, présentement, entre être un chef d'État ou être un chef de parti, et que Philippe Couillard a définitivement choisi de ne pas être un chef d'État. Effectivement, il a vraiment été plus avec la famille plus qu'avec à penser pour tout le monde. Bon. c'était pas mal tout pour le champion de la semaine. Effectivement. Puis là, en fait, on serait rendu à, mon éditorial de la semaine qui est sur à peu près les mêmes sujets. Toujours, comme on le rappelle, c'est notre spécial corruption et malversation. Puis moi, il y a une chose qui m'achale pour revenir un peu au Panama Paper. C'est les maudits accords de libre-échange, particulièrement ceux qui ne respectent pas la souveraineté locale. Bon, il fut une époque avant les années 80, en fait, où les revenus des États, c'était 33 % les impôts des particuliers et le reste, c'était les impôts des grandes entreprises. Puis là, on s'entend, là, on va faire une distinction en partant. On ne parle pas de la PME de région qui est vraiment qui est dirigée par un boss qui essaye de tirer son épingle du jeu. Qui est un travailleur autonome qui prend immensément de risques pour souvent pas se donner une grosse paye, puis ainsi de suite. Là, on parle de vraies grosses compagnies, là, genre qui reçoivent des subventions de 1,3 milliard. Ceux-là, pour ne pas les nommer. Puis bon. Donc, jusqu'aux années 80, c'était 33% c'était seulement 33% des revenus de l'État qui venaient de l'impôt des particuliers et des poches des particuliers, c'est-à-dire vous et moi, notre salaire, là, ce qui est repris sur notre salaire, là, ce qui fatigue dont les libertariens et le Parti conservateur du Québec, tu sais, comme le deuxième, là, c'est pas celui qui s'appelle le Parti libéral, là, l'autre, là, celui avec Adrien Pouliot, là, qu'on a parlé tantôt. Donc, ce qui est arrivé après ça, c'est que, bon, il y a eu des crises financières, il y a eu un paquet de choses qui sont bien changées dans les années 80. Puis, en fait, de nos jours, on est rendu que le ratio s'est presque inversé, en fait. C'est-à-dire que la très grande majorité du financement de nos États vient, en fait, des poches des particuliers. Ça explique, entre autres, une partie des déboires financiers des États, parce que l'austérité a commencé à peu près à cette époque-là aussi, évidemment, parce que là, on avait de moins de moyens, parce qu'évidemment, une multinationale fait bien plus d'argent que des salariés, là. C'est comme ça va de soi. Puis bon, ce qui a changé, mais ce qui a surtout changé, en fait, c'est les maudits accords de libre-échange. On pense à l'ALENA, entre autres, qui était un des premiers. Puis ça, ce que ça a fait, en fait, c'est quoi un accord de libre-échange à la base? C'est simplement un accord entre deux pays ou plus de deux pays, en fait, où ce que on abaisse les barrières tarifaires, c'est-à-dire que les produits puis les ressources financières ont plus de facilité à traverser entre les pays. Normalement, à la base, avant les années 80, t'achetais quelque chose en dehors de ton pays, ben t'avais des taxes à payer pour l'importer. Ça va de soi. Tu déplaçais des grosses sommes d'argent entre deux banques dans deux pays différents, t'avais des taxes à payer là-dessus parce que c'était des nouvelles ressources qui rentraient, puis ben le pays dans lequel le stock rentrait faisait payer des taxes là-dessus. Pour empêcher, c'est une forme de protectionnisme, en fait. Puis là, le protectionnisme, c'est mal puis c'est pas mal en même temps. À une certaine époque, c'était la seule chose qui fonctionnait. Là, je suis pas en train de dire que la mondialisation, a priori, c'est pas bon. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on l'a fait tout croche, puis on l'a fait pour que ça soit juste une certaine catégorie de gens qui en profitent. Les grands perdants de cette mondialisation-là, ben ça l'a été les populations par le truchement de tout ce qui est public, en fait. Parce que justement, comme ça, on a perdu immensément beaucoup de commerce. Une des choses évidentes par rapport à ça, c'est que, bon, par exemple, au Québec, là encore jusqu'aux années 80-90, la plus grosse activité économique au Québec, c'était les manufactures. Ça faisait très longtemps que c'était comme ça. Puis, quand on a commencé à perdre des manufactures puis des usines au Québec, c'est quand? C'est quand que ça a commencé à être pas mal moins cher de faire les trucs en Asie pour qu'on les fasse importer ici à la place. Parce que les barrières tarifaires étaient abaissées. Puis bon, c'est ça. Fait qu'il y a eu tous ces écarts de libre-échange-là. Puis, entre autres, le Canada, en fait, on est des pionniers là-dedans, parce que, bon, il y a l'ALENA qui est avec les pays d'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Mexique et les États-Unis et le Canada. Mais aussi, ça, c'est assez récent. Ça a été dans les années Harper au gouvernement, donc ça fait pas très longtemps. De mémoire, c'était en 2009 que ça a été fait. Le Canada a créé un accord de libre-échange avec le Panama, qui est reconnu mondialement pour être le pays qui sert au blanchiment d'argent du crime organisé à l'international. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'est allié avec eux autres? C'est que le gouvernement fédéral canadien voulait stater ça, c'est ce qu'on nous a dit. C'était pour avoir la possibilité que le Panama nous donne certaines informations par rapport aux ressortissants canadiens qui essayaient d'éviter l'impôt canadien. Alors que, bon, ça a été décrié, en fait, très timidement, malgré le fait qu'il y a certaines personnes qui l'ont critiqué beaucoup. parce qu'à peu près au même moment, les États-Unis ont exigé du Panama de recevoir les informations que le Canada faisait des pieds et des mains pour avoir, et les États-Unis les ont reçues. Fait qu'en fait, ça a été une négociation d'imbéciles où ce qu'on est arrivé là en disant « Ah, salut, nous autres, on veut négocier », alors que le Panama probablement aurait fait pareil comme avec les États-Unis et aurait eu très, très peur qu'on nous aurait donné ce qu'on voulait à base sans négocier. Mais on est arrivé, puis en fait, probablement qu'il y avait quelque chose à gagner parce que ça l'a permis à ce que certaines personnes, peut-être même pas des ressortissants canadiens, mais se servent du Canada pour accéder au Panama, pour pouvoir blanchir de l'argent sale là ou pour cacher des revenus qui pourraient servir à payer de l'impôt. As-tu des exemples? Ben, en fait, non, j'en ai pas d'exemple parce que c'est des choses qui vont sortir éventuellement. Mais on le souhaite. Évidemment. D'ailleurs, un autre exemple d'ailleurs pour comment est-ce que le Canada fait très mauvaise figure à ce sujet-là, il y a eu des pactes internationaux qui ont été signés dans les dernières années pour lutter contre l'évasion fiscale. Il y a l'OCDE, entre autres, l'organisation, je ne me rappelle plus quoi, du commerce, je ne me rappelle plus exactement ce que ça veut, mais c'est comme en gros une organisation internationale qui gère le commerce et qui est entre autres une des responsables des mises en place de la mondialisation, en fait, qui normalise les accords internationaux tranquillement, pas vite. Eux autres même ont décidé de prendre des mesures et de créer des pactes internationaux entre différents pays pour contrer cette évasion fiscale-là. Le fait que les gens qui font de l'argent, qui vivent dans des pays, mettons, dans des pays comme le nôtre, où ce qui a un certain fardeau fiscal, qui est relativement, tu sais, qu'on a quand même un certain état-providence qu'il faut financer, puis tout, puis qu'eux autres évitent de payer leur juste part de ça, et qui essaie de la placer dans des pays où il n'y a virtuellement pas d'impôts à travers différents stratagèmes. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parlait tantôt, les Panama Papers, c'est simplement une compagnie qui s'était spécialisée à offrir ce service-là à des riches. C'est ça. Pour revenir à ce que je commençais à dire, l'OCDE, entre autres, a géré des pactes internationaux pour commencer à essayer de lutter contre l'évasion fiscale. Et le dernier pays a signé ça. En fait, il y a un pays qui a complètement refusé de signer ça, et c'est le Panama. Puis le dernier a signé, en fait, qui l'a signé, mais qui a quand même, ça a pris du temps, on était vraiment les derniers, c'est nous autres, le Canada, qu'on est supposé d'être le pays des droits humains et de tout pis tout. Moi, ça me fait toujours rire si on revient à la citation de... Puis d'ailleurs, soit dit en passant, on se compare souvent aux États-Unis, tu sais, de dire « Ah, mais tu sais, les États-Unis, les universités coûtent bien plus cher qu'ici, puis tout, puis on fait figure de parents pauvres, puis ainsi de suite, puis ah, les entreprises, ils ont donc peur de venir ici parce que si, puis ça, puis tout. » Bien, les États-Unis, eux autres, ils ont été des premiers à le signer, ce fameux accord-là. On était très, très tard là-dessus. Bien, de toute façon, on le voit déjà que le Canada a beaucoup d'avantages fiscaux. On a vu ça d'ailleurs avec Burger King qui a racheté Tim Hortons pour déménager son centre social des États-Unis en Ontario. Et la raison était pour s'éviter de payer des taxes. Donc, habituellement, quand on dit qu'il faut faire comme les États-Unis, on va déjà beaucoup plus loin que les États-Unis dans ces choses-là, dans beaucoup de cas. En fait, c'est un très gros mythe qui est entretenu par une certaine droite mal informée, je dirais. Comme quoi est-ce que... je vais revenir à la citation que tu as dit d'Adrien Pouliot tantôt quand je te disais que tu étais en train de me faire perdre une partie de mon éditorial. Comme on l'a dit tantôt, c'est Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec numéro 2. S'il existe des paradis fiscaux, c'est qu'il y a aussi des enfers fiscaux. Puis là, moi, en fait, spinner ça partout sur Facebook. Mais en fait, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'il y a des pays que c'est plus dur fiscalement pour les compagnies puis pour les citoyens, mais c'est clairement pas, en tout cas, c'est clairement pas pour les compagnies au Canada ni au Québec à cause de ça, parce que comme c'est un excellent exemple que tu donnes, le Burger King qui rachète Tim Hortons pour pouvoir finir s'installer ici, c'est un bel exemple de, en fait, c'est beaucoup plus facile de faire de l'évasion fiscale à partir du Canada que partout, que plein d'autres endroits. Donc, on n'est pas un enfer fiscal, bien au contraire, on serait très gagnant à aller remettre un peu nos culottes et aller s'occuper de ça. Puis, c'est pas le partenariat transpacifique qui a été négocié à la va-vite par les conservateurs avant le déclenchement des élections qui va aider ça. Qu'est-ce que le partenariat transpacifique? Oui, bien d'ailleurs, ce partenariat, en fait, c'est un traité de libre-échange avec les pays qui côtoient le Pacifique, si on veut, donc États-Unis, Canada, il y a la Chine, si je me souviens bien, l'Australie. Il y a différents pays plusieurs pays d'Asie, en fait. Là. Oui. La Chine sont là-dedans. Le Japon est-tu dedans aussi, je pense? Je me souviens plus par cœur les pays. Mais bref, c'est un traité qu'on ne sait pas encore c'est quoi tout ce qui est là-dedans, mais les quelques personnes qui en ont vu n'en ont pas nécessairement dit du bien. On a même cette semaine, d'ailleurs, c'est étrangement d'actualité, Joseph Stiglitz, celui qui était conseiller de Bill Clinton aux États-Unis, qui est un économiste français qui a reçu le prix de la Banque de Suisse. C'est ce qu'on appelle communément le prix Nobel d'économie. Là. Exact, mais même si ce n'est pas vraiment un prix Nobel. Bref, Stiglitz, qui est un des plus grands économistes au monde. Actuellement vivant. Oui, qui est allé dire que, ben lui, il a lu des trucs là, sur le Canada, sur le traité transpacifique, et que c'est vraiment pas très bien, que ça aurait vraiment avantage à être négocié parce que ça enlève beaucoup de souveraineté aux États encore. Puis ça, c'est un gros morceau de ce que je voulais en venir. C'est que, ben, par exemple, ce que ça veut dire enlever de la souveraineté aux États, c'est que avec des accords comme ça, si un pays décide de légiférer en matière d'environnement, par exemple, ou en matière de fiscalité, et qu'une compagnie considère que ça a des avantages, ou encore un pays décide de subventionner une entreprise locale, si une autre entreprise d'un autre pays qui ne paye pas ses taxes dans le pays A, mettons, on va dire, là, considère ça comme la concurrence déloyale ou considère que ça désavantage ses activités économiques, bien, la compagnie peut traîner en justice l'État au complet et aurait des chances de gagner. Oui, puis il y a des cas de ça. Il y a des cas de ça. Ça s'est fait, d'ailleurs, il y avait déjà des dispositions un peu semblables à ça dans l'ALENA. Puis ça, ce qui est dangereux, c'est que à partir de ce moment-là, on a des compagnies étrangères qui viennent carrément embarquer par-dessus notre souveraineté locale, puis qui disent à notre place, puis d'ailleurs, bon, c'était la semaine dernière que j'ai fait un lexique sur c'est quoi la souveraineté. Oui. C'est pas juste le PQ, OK? La souveraineté, c'est pas juste l'indépendance du Québec. La souveraineté, c'est notre autorité sur nos propres affaires. Puis ça, ben, on est en train de se la faire saper. En gros, ce que ça veut dire, pour faire un parallèle à peut-être certaines personnes qui comprendraient pas trop de quoi je parle, c'est un peu dire que du jour au lendemain, on est habitué d'être des adultes et de prendre nos responsabilités sur certaines choses et de prendre nos propres décisions sur certaines choses. Et quelqu'un, un étranger, arrive et nous dit « Non, tu peux pas faire ça. » Et cet étranger-là a tout le pouvoir de nous dire ça, en fait. Présentement, on lui donne ce pouvoir-là. Donc, je voudrais finir là-dessus, en fait, puis on va aller à la pause après, de dire « C'est le temps de reprendre le pouvoir de nos affaires. » Comme l'a dit un ancien camarade à l'OGE, que je salue sur un autre sujet, mais quand même, « Mêlez-vous de vos affaires, mais mêlez-vous-en, Simonac. » Ben voilà. Vous êtes assez pour l'écouter. C'est fou. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89 qui fait la promotion de la révolution tout en douceur. Et avec beaucoup de lapsus. Avec beaucoup de lapsus. J'étais comme pas prêt au retour de la pause, je m'excuse. J'étais déconcentré. Effectivement. On est toujours dans notre spécial malversation et corruption, ou corruption et malversation. L'œuf vient-il avant la poule ou non? D'ailleurs, je voulais profiter que tu parlais juste avant la pause, tu parlais du libre-échange pour faire une petite parenthèse. Sur le libre-échange, souvent, on entend des arguments principalement de l'Institut économique de Montréal qui, by the way, pour les gens qui ne savent pas, l'Institut économique de Montréal, c'est un think tank qui a déjà une position claire, puis que jamais ils vont publier une étude ou une analyse qui va aller à l'encontre. C'est un think tank de droite. On appelle ça un think tank, là, c'est un vrai terme. C'est-à-dire que c'est un groupe de chercheurs qui ont déjà une idéologie à présenter puis qui vont juste publier les études qui vont dans leur sens. Ce qui est, au contraire, mettons l'IRIS, qui est un think tank de gauche, qui aussi, on verra pas l'IRIS publier une étude qui va aller au contraire de ce qu'ils veulent. Ce qui fait que faut pas nécessairement prendre ça pour du cash. Puis souvent, quand on parle de libre-échange, ben justement, on est inondé de statistiques. Mon Dieu, ça a l'air mathématique, ça a l'air comptable, toutes ces patentes-là qu'ils nous présentent pour montrer à quel point c'est sain pour un pays de prendre part au libre-marché, au libre-échange. Mais non! En fait, c'est politique. Non, mais en fait, c'est surtout que les statistiques, on s'entend que les vraies statistiques sur le libre-échange commencent dans les années 90. Ce qui arrive dans les années 90, c'est que justement, on a, avant l'ALENA, qui est le premier gros traité, il y a l'ALA, qui est le papa de l'ALENA, si on veut. Dans le fond, c'est un traité de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Puis finalement, c'est quand le Mexique s'est greffé à ça que c'est devenu l'ALENA. Ce qui est arrivé avec ça, c'est qu'au même moment où ils ont signé ça, il se passait quelque chose dans le monde qui s'appelle la chute de l'URSS, comme on appelle traditionnellement. un tout petit événement. Et ce qui arrive, là, c'est que, bon, imaginez-vous, l'URSS, c'est grosse tâche sur le globe terrestre, là, quand on se dit que l'URSS est considéré comme un pays, fait que tous les échanges qui se faisaient entre les différents pays de l'URSS étaient calculés comme des échanges intranationaux. Donc, on se dit, l'Ukraine, la Russie s'échangent des trucs, la Yougoslavie échange des trucs avec eux autres. Tout ce commerce-là est compté comme du commerce intranational. Et ce qui arrive, c'est qu'au même moment où on commence les traités de libre-échange, au même moment où commence à émerger l'OMC, l'Office mondial du commerce, où est-ce que le libre-échange commence à prendre son envol, bien, on a l'URSS qui éclate. Et tous ces pays-là deviennent des pays vraiment indépendants. Et tous les échanges qui se faisaient déjà entre ces pays-là, au lieu d'être calculés comme des échanges intranationaux, sont soudainement calculés comme des échanges internationaux. Ce qui veut dire que dans les statistiques, habituellement, on nous montre, regardez, on a à telle année, en 91, je dis des dates au hasard, je ne sais pas les vraies dates, 91, on a signé tel traité de libre-échange, 92, tel traité, puis regardez les échanges internationaux, qu'est-ce que ça donne. On a un beau graphique qui démontre à quel point ça a été bon pour l'économie mondiale, alors qu'en fait, il y a une grosse illusion statistique là-dedans, parce que tous les échanges qui se passaient avant à l'intérieur de l'URSS étaient maintenant calculés comme des échanges internationaux, et le libre-échange a récolté là-dessus. Là. C'est grâce au libre-échange que ça a explosé comme ça. Mais non, c'est une illusion statistique. Et je tenais à faire cette parenthèse-là, d'ailleurs, qui a été, c'est un fait qui a été colligé par l'économiste Jacques Sapir. Je vous recommande d'ailleurs de lire des articles de lui, ou même il écrit des très bons essais. Il a écrit un livre justement dans lequel il rapporte ça qui s'appelle « La démondialisation ». C'est un très bon livre, c'est très factuel ce qu'il dit. Mais bon, moi je m'en allais avec mon... j'ai encore décidé de voler un segment d'émission à Sébastien, fait que je vais faire un lexique moi aussi aujourd'hui. Lexique du prof Hubert. Ouais, ça se dit un peu moins bien. C'est vrai. T'es plus prof que moi, faut croire. Je vais vous parler de violence économique. C'est un concept qui a été développé principalement par l'économiste Yannick Marcil, qui fait beaucoup d'articles là-dessus, qui fait des conférences là-dessus. D'ailleurs, c'est un économiste québécois. Je vous recommande très fortement de le suivre sur Facebook ou de lire ses articles dans le Ricochet. En plus, il est très bien habillé toujours. Il est toujours très bien habillé. Il est bel homme pis tout. Mais bon, de toute façon, en gros, il parle de violence économique. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que quand un gouvernement a des politiques qui directement fait mal aux populations, quand on parle principalement de politique d'austérité, ben, on a le droit de parler de violence économique. La différence entre la violence économique et la violence, disons, normale, c'est que la violence économique n'est jamais vue, n'est jamais considérée comme de la violence. Fait que souvent, on a des groupes comme on a un groupe qui est oppressé, qui a de la difficulté à cause de certaines politiques du gouvernement, puis qui vont carrément sortir dans la rue ou faire des choses violentes ou tout ça. Et bon, on va pouvoir dénoncer tout de suite, hey, ces gens-là sont violents, il faut les arrêter. Alors qu'en réalité, ces gens-là sont eux-mêmes victimes d'une violence économique. Et c'est pour ça que le concept est très intéressant, et c'est le fun parce que ça met le mot sur quelque chose qu'on n'ose pas nommer d'habitude, parce que oui, des politiques d'austérité, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Il y a des gens qui ont faim à cause de ça, puis est-ce qu'il y a quelque chose de pire dans une société qui se dit civilisée que des gens qui ont faim? À mon avis, non. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que ben l'austérité, c'est justement en grosse partie à cause des paradis fiscaux, à cause de l'évasion fiscale, à cause des schèmes fiscaux, légaux ou non, là. Parce qu'on s'entend qu'il y a des schèmes fiscaux qui sont légaux, comme justement ce que PKP faisait, ce que l'émission Enquête avait sorti, c'était des schèmes fiscaux, mais c'était légal, à savoir, est-ce que c'était moral, c'est une autre question, c'était légal. Ce qui arrive avec ça, c'est que ça nous donne une fausse impression parce que quand on nous impose des politiques d'austérité, souvent, c'est qu'on nous dit que ben on n'a pas le choix, on a une situation des finances qui est catastrophique et que bon, l'austérité, là, souvent on nous impose la figure du bon père de famille. Ce qui, en gros, c'est extrêmement démagogique de parler d'un bon père de famille. Mais bon, on a décidé de prendre la métaphore puis de la pousser plus loin. Vraiment, quand un budget n'est pas équilibré dans une famille, est-ce qu'un bon père de famille devrait, je vais te donner le choix, Sébastien, A, essayer d'augmenter ses revenus ou B, couper dans la santé, l'éducation et la nourriture de ses enfants? Bien, je pense que ça serait A qu'on devrait faire. Ben voilà, tu viens de détruire comme ça là, la métaphore du bon père de famille. Ben effectivement, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux moyens d'équilibrer un budget normalement, c'est d'augmenter ses revenus ou de couper dans ses dépenses. Et là, finalement, ce qu'on voit depuis des années et des années, c'est des gouvernements qui coupent dans les dépenses, alors que justement, essayer de légiférer un peu mieux, sur les paradis fiscaux. Ça serait un bon moyen d'augmenter les revenus et de peut-être pas faire mourir des gens de faim, tu sais. Et bon, on dit ça comme ça. On dit ça comme ça. Bon, en fait, c'est que l'austérité est souvent présentée comme ayant le monopole de la bonne gestion des finances, puis souvent les alternatives sont tournées au ridicule. T'sais, on avait d'ailleurs l'année passée le mouvement 99 solutions, quelque chose comme ça, sur les coupes. C'était un site internet qui avait été, je crois, financé par l'AC, sur lequel on recensait tous les moyens d'aller chercher de l'argent. Puis bon, ben c'est l'AC, c'est une gang de radicales de gauche. Fait que les gens, les médias ont même pas pris le temps d'analyser, alors que si on allait sur le site Internet, c'était des plans super pragmatiques, c'était des affaires super intelligentes, en fait, qui pour la plupart, qui étaient sur ce site-là, qui étaient pour aller chercher de l'argent pour ne pas équilibrer le budget en passant par l'austérité. Ben, on parle de l'AC là, qui donne des plans pour équilibrer un budget. Là. On n'est pas dans l'extrême gauche. D'ailleurs, en fait, je pense que c'était une des solutions qui était là-dessus. En tout cas, c'est une des solutions que l'AC laquelle l'AC faisait la promotion en 2012. C'est simplement de remodifier les paliers d'imposition au Québec. Mmh. Ça a été proposé. En fait, c'était le cas avant. On avait beaucoup plus de paliers d'imposition. Ça, c'est devinez qui, Jean Charest, qui a modifié ça sous son règne pour ramener les paliers d'imposition à 4. Mais en fait, si on revenait, ne serait-ce que revenir à un nombre de paliers d'imposition. Puis en fait, il y a un exercice comptable à faire avec ça, là, évidemment. Là, on est beaucoup dans le triturage de. Excusez-moi, je suis enrhumé aujourd'hui. Je ne sais pas si ça paraît, mais j'ai de la misère à prononcer. Dans le triturage de chiffres, mais il y avait une proposition, entre autres par l'AC. D'ailleurs, QS, Québec solidaire, propose un truc semblable aussi. En rajoutant un certain nombre de paliers d'imposition, on fait que 80% de la population paye moins d'impôts et seulement 20% paye plus, puis on est capable d'aller chercher plusieurs centaines de millions comme ça. Oui, il y a aussi, très facilement. Il y a aussi une chose qui est souvent soulevée, c'est la taxe au profit des banques. Oui, ça aussi, qui a été quelque chose qui a été aboli aussi simplement. Par Jean Charest. Il y avait la taxe sur les échanges de fonds, un truc comme ça. C'était à toutes les fois qu'il y avait des gros mouvements de gros montants d'argent, le plus que, mettons, je ne sais plus où on mettait le seuil exactement, mais quand c'était fait par des banques, ben, en fait, il y avait comme 0,01% qui était payé en impôts, un truc comme ça, puis ça ramenait des milliards par année. Puis on s'entend, on parle d'industries qui sont archi-milliardaires, donc ça faisait à peu près aucune différence. Il y avait, en 2012, on proposait aussi le FSSEP. C'est une position de la GEQTR ici, en fait, qui est simplement une taxe sur la masse salariale des grosses entreprises. C'était quelque chose comme 0,01% là encore de la masse salariale des grosses entreprises qui devait aller à financer les programmes sociaux. Ça existe déjà, en fait. C'est juste qu'on augmentait un petit peu le montant, mais tu sais, en fait, on élargissait ce à quoi le montant pouvait servir. Puis ça, d'ailleurs, en 2012, on avait trouvé ça frappant parce que ça augmentait le fardeau fiscal de personne, en fait, le fardeau financier d'absolument personne. Et ça ramenait plus que la fameuse hausse des frais de scolarité. Mais c'est ce qui arrive, c'est que aussitôt qu'on propose une alternative qui n'est pas l'austérité, habituellement, c'est vu comme des mesures idéalistes, peu pragmatiques, etc., alors que souvent, c'est extrêmement concret. Et ce qui est stupide, en plus, avec l'austérité, c'est que, bon, le but, ce qui est dit, c'est que le but est de rééquilibrer le budget, donc d'avoir un budget auquel il y a le chiffre zéro à la fin. Ce qui arrive avec ça, c'est que aussitôt qu'on réussit à atteindre un quelconque équilibre budgétaire, ça se voit partout à travers le monde, le premier geste que les gouvernements font, c'est de couper dans les taxes et les impôts. Ce qui fait un nouveau déséquilibre, ce qui fait après ça dire, ben il faut rééquilibrer. Comment est-ce qu'il rééquilibre? Il rééquilibre encore en coupant dans les services sociaux, les filets sociaux. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux sans fin. C'est une vue de l'esprit, l'austérité. C'est une idéologie qui essaie de s'imposer et non une manière pragmatique de gérer les finances. Et on s'entend, une chose aussi qu'il faut mettre très claire, une dette d'État, ça a à peu près juste le nom de... Je vais en parler. Okay. En fait, justement, j'allais parler justement principalement les chiffres au Québec. Pour 2014, le déficit net du Québec, c'est-à-dire le déficit après qu'on ait enlevé les actifs et les revenus, donc c'est-à-dire, mettons, ceux des monopoles d'État, tout ça, était de 1,1 milliard. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour nous, là. Quand tu considères dans une économie de plusieurs centaines de milliards. En fait, là, pour l'économie du Québec, ça représente 1% du budget. 1,1 milliard. 1,1 milliard, là, c'est moins que les subventions qu'on a données à Bombardier. Fait qu'on aurait pu ne pas donner la subvention à Bombardier, là, puis et on serait régler pas ce 1,1 milliard. Mais pourtant, c'est pas du tout comme ça que les choses nous sont présentées. Et non, puis... ce qui arrive, c'est que je reposerai la question encore avec le bon père de famille. Un bon père de famille qui aurait une dette qui serait l'équivalent de 1% de son salaire annuel, est-ce que ça se peut que s'il décide de couper dans l'éducation, la santé puis la nourriture de ses enfants, ce parent-là mérite qu'on appelle la DPJ un peu? Probablement. Bon, dommage, malheureusement, il n'existe pas de DPJ national, là, parce qu'on en aurait peut-être besoin. Puis, une autre chose qui est à noter, c'est que le déficit au Québec depuis plus de 10 ans est en diminution. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose, c'était pas une bébelle qui gonflait, contrairement à les chiffres qu'essaie de nous montrer l'Institut économique de Montréal. Tu sais, ils ont une espèce de compteur. Oui, leur espèce de compteur. Puis en fait, ce qui est stupide avec ce compteur-là, c'est que ben, ça calcule l'inflation. Bon, il faut calculer l'inflation, c'est correct. Mais ce qui fait que même si on parvenait à leur but, c'est leur objectif à eux autres, là, c'est l'équilibre zéro. Là. Mais l'équilibre zéro, là, un budget équilibré, et ce compteur-là va monter pas mal exactement à la même vitesse que ce qui monte aujourd'hui, because inflation. Ça fait que c'est totalement démagogique, ça, comme outil. Une autre chose aussi qu'on peut rappeler, on a le fonds des générations qui avait été inventé par Jean Charest, qui est supposé nous servir à repayer notre dette. Exact. En fait, c'est présentement ce qui nous crée des déficits, parce que si tu regardes le montant qui est dit, ah, on est en déficit de temps, c'est drôle, mais c'est toujours le même montant que ce qui est dompé dans le fonds des générations. Puis ce qui est drôle, c'est que oui, c'est en plus, le fonds des générations dans le budget est présenté comme une dépense, alors que c'est de l'argent qui va à payer la dette. C'est de l'épargne, en fait. C'est le compte épargne du gouvernement du Québec. Carrément. Donc, ça aussi, c'est un autre outil démagogique. Et pour finir, principalement au Québec, on a beaucoup d'actifs, on a beaucoup de sociétés d'État, on a des Hydro-Québec, tout ça. C'est un argument qui revient souvent. Mais le calcul total, c'est que c'est 85% de la dette du Québec que le Québec se doit à lui-même. On se demande souvent c'est quoi les chiffres. Il y a d'autres États que, justement, mettons, les États-Unis doivent principalement de l'argent à des créanciers privés, à des banques, à des grosses firmes, tout ça. Le Québec doit 85% de sa dette à lui-même, avec les fonds de pension, avec toutes ces affaires-là. Ce qui fait que jamais les fonds de pension du Québec, qui est un outil public, qui appartient au gouvernement, va dire au gouvernement du Québec « Hey, tu me rembourses toute ma dette, sinon je te coupe tes fonds. » Je veux dire, on n'a pas la pression des créanciers présentement. On n'a pas l'espèce de pression de « Oh mon Dieu, on va perdre notre code de crédit », parce que ça aussi, c'est un argument qui revient souvent. Non! Puis ça, c'est d'un ridicule en plus, parce que en plus du fait qu'on, comme tel, on se le doit à nous-mêmes, c'est que les vraies sorties d'argent qui ont par rapport à ça, qui sont beaucoup moins que la totalité du montant là, qu'on fait afficher là par différentes manipulations comptables. Mais par exemple, les fonds de pension, c'est un très bon exemple. Ça s'en va à qui? Ça s'en va à des citoyens québécois qui reçoivent ça comme fonds de pension puis qui réinjectent cet argent-là dans l'économie. Effectivement. Qui vont payer de l'impôt dessus aussi. Fait qu'il y en a une partie qui revient directement au gouvernement. On pourrait faire une émission sur la gestion de l'offre un jour. Ça pourrait être très drôle, en fait, mais c'est ça pour dire que quand on a des gens, des think tanks de droite qui nous disent « Ah oui, la dette, c'est important, puis tout », ben c'est des aboyeurs, c'est une minorité de grands gueules. C'est à peu près ce qu'ils accusent les gens de gauche de faire, qui sont là en train de nous garocher leur vue de l'esprit comme si c'était des évidences. Puis là, c'est des vues de l'esprit, comme on dit, c'est dans le très abstrait. Puis moi, j'ai un exemple très concret, en fait, que je vais très rapidement en parler. C'est quelqu'un de bien de chez nous. C'est, en fait, j'ai appelé ça un petit segment là, pour faire une joke, parce qu'on ne parlera pas de politique américaine, mais j'ai appelé ça « L'herbe est parfois jaune chez nous aussi ». Puis je vais parler en fait de Paul Martin. Qui est Paul Martin? Il a été premier ministre du Canada de 2003 à 2006. D'ailleurs, c'est à peu près dans ce temps-là qu'il y a eu le scandale des commandites. On s'en rappelle, c'est ce qui a été la chute du Parti libéral à l'époque et qui a donné le règne de Harper. Donc, fait important, Paul Martin a surtout, ses grands faits d'armes, en fait, c'est qu'il a été ministre des Finances pendant 9 ans, c'est-à-dire de 1993 à 2002. Et son grand cheval de bataille à cette époque-là, ça a été le travail au noir, c'est-à-dire l'évasion fiscale des pauvres. C'est-à-dire les gens sur le BS qui avaient une job-in payée cash puis qui faisaient pour pouvoir arrondir les fins de semaine. Puis là, il disait à l'époque, puis il y a eu des publicités puis un paquet de choses, puis c'était « Ah, c'est voler notre collectivité que de ne pas payer ses impôts puis tout le kit ». Très drôle déjà quand on voit ça. Puis, ben là, on se dit, mais il est du bon bord, Paul Martin, quand même. T'sais, il est sensibilisé à ça. Pas sûr. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Paul Martin a été propriétaire de la Canada Steamship Line de 1981 à 2003. Qu'est-ce que la Canada Steamship Line? Ben, en fait, c'est une compagnie de transport maritime. Tu sais, les gros bateaux qui passent sur le Saint-Laurent, là, les de gros bateaux qui passent sur le Saint-Laurent, là, ben, il y en a une partie qui appartient à lui. En fait, tout ce que vous voyez, CSL, décrit sur le devant, c'est à lui. Ben, en fait, c'est plus à lui, parce que quand il est devenu premier ministre, il a donné la compagnie ou il a vendu la compagnie, ça je ne connais pas les détails, à ses fils, en fait. Mais c'est ça, il a possédé ça de 1981 à 2003. Donc, notamment, sur les 20 ans presque qu'il a possédé la compagnie, il y en a 9 qui a été ministre des Finances. C'est déjà un peu un conflit d'intérêts parce que c'est une compagnie qui est archi-millionnaire, là encore, on s'entend. Opérer ces bateaux-là, on tourne des chiffres d'affaires de plusieurs centaines de millions du coup. Selon les standards d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça l'aurait même pas passé. Ça aurait été un total conflit d'intérêts. Puis, tu sais, on a fait des scandales ces dernières années pour moins que ça, puis on a raison d'ailleurs. L'affaire, c'est que pendant ce temps-là, puis là, gardons en tête le fait qu'il s'est battu contre l'évasion fiscale des pauvres. Il y avait un stratagème parfaitement légal que CSL faisait pour sauver des millions en impôts, c'est-à-dire que, en gros, la façon que la compagnie fonctionnait, c'est que CSL Canada achetait des bateaux flambant neufs, donc à coût de plusieurs dizaines de millions du coup, les faisait fonctionner pendant un certain nombre d'années pour ensuite les transférer à des... en fait, les vendre jusqu'à un certain point, mais les vendre à perte à des filiales de la CSL dans les Barbades, si ma mémoire est bonne. Donc, en gros, on les revend à perte. Donc, CSL Canada faisait pas vraiment d'argent. Puis, en fait, tous les profits, toutes les activités profitables, c'est-à-dire les bateaux qui sont déjà payés puis qui travaillent, dans le fond, qui fonctionnent, ben ces profits-là étaient déclarés dans des ce qu'on appelle des républiques de bananes, parfois. C'est là qu'on faisait de l'argent. Donc, pour donner un exemple flagrant de double discours et de malversation, puis ça, c'est parfaitement légal, en fait. C'est facile de rendre légal quand c'est toi le ministre des Finances. Bien, évidemment, c'est sûr. Mais je pense que là-dessus, il n'y a même pas eu beaucoup de... Le stratagème existait bien avant que ce soit le ministre des Finances. Il a juste pas travaillé dessus. Donc, là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup d'impôts qui s'est payé au Canada. Lui, il a une fortune personnelle assez immense à cette heure à cause de ça. Puis il y en a une grosse partie qu'on ne saura jamais d'où ce qu'elle vient parce que ça s'est fait dans les républiques de bananes. Donc, c'est ça. Je voulais faire ça très rapidement. C'est pour donner un exemple concret de ce de quoi on parlait aujourd'hui. Puis, juste pour dire à Justin, c'est pas vrai que le Canada est exempt de ses excès. C'est ça. Puis non, pas ton parti non plus d'ailleurs. Donc, c'est déjà tout pour cette semaine. On va être en rediffusion samedi à 9h et en balado-diffusion sur notre page Facebook dès que l'on peut. Merci cher public pour ton écoute et revenez-nous la semaine prochaine, jeudi 13h, pour une toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de CFOU 89.1 FM qui ne fait pas de concessions aux animaux préhistoriques par 12 heures de droite.